Méli Mélo par Clarisse Andre. Méli Mélo tangue en vélo, au fil de l'eau, part à volo. Vogue la galère, comme naguère, sur fleuve d'hiver. Méli Mélo, pas peu fier, colère, s'exaspère, mais toujours espère, même si sa pauvre caboche s'effiloche, fait son cinoche, puis sa baloche. C'est moche. Mérite des taloches. Allez, raccroche. C'est fastoche pour un fantoche. Désormais, tout cloche. Plus de bamboche. Et Méli Mélo, pauvre gavroche, tombé de son vélo, de peur de rater le coche, clopine en galoche, de Porsche en Porsche, les mains aux poches. Clarisse Andre, octobre 2021.